Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Kate Millett, figure emblématique de la deuxième vague du féminisme. Je crois que le sexe est une catégorie politique au même titre que la classe ou la race et que l'un des sexes a dominé la vie de l'autre à travers toute l'histoire, toute la période patriarcale. Et dans notre système, un patriarcat est une forme de gouvernement. Extrait du documentaire « Quelques féministes américaines » réalisé en 1978 par Nicole Brossard, Luce Guilbeault et Margaret Westcott, Kate Millett résume ici en quelques mots la théorie qu'elle va développer dans son ouvrage « Sexual Politics, la politique du mal » en français, un livre qui va la rendre célèbre et qui provoquera une sorte d'électrochoc au moment de sa publication en 1970. Un livre dans lequel Kate Millett avance l'idée que la relation entre les sexes est politique. Avec ce livre, Kate Millett deviendra l'une des architectes du féminisme de la modernité. La femme américaine se trouve dans une situation très spéciale. Elle est, pour ainsi dire, à moitié émancipée. La femme américaine a beaucoup plus de chances d'accéder à une éducation que la femme en France ou en Angleterre. Mais malgré cette instruction, elles ne peuvent faire que très peu de choses. En d'autres mots, on leur promet beaucoup et elles reçoivent l'éducation nécessaire pour participer à la société. Mais en fait, on les empêche de le faire, de deux manières. Premièrement, par cette discrimination qui existe contre les femmes dans le domaine de l'emploi. Et deuxièmement, par ce que Betty Friedan appelle la mystique féminine qui les envoie au collège, puis les renvoie à la maison. Ainsi, la femme américaine est dans l'ensemble, je crois, très frustrée. Son éducation lui laisse entrevoir de grandes espérances, puis elle est déçue. Elle est véritablement emprisonnée dans le cadre familial et elle a été conditionnée pour y rester. Kate Millett, de passage à l'émission française Variance en 1971, pour nous présenter cette importante théoricienne du féminisme qu'a été Kate Millett. Je reçois Pascal Navarro, journaliste et féministe, auteur de nombreux ouvrages sur la situation des femmes. Pascal Navarro, bonjour. Bonjour. Quelle importance elle a, Kate Millett, dans l'histoire du féminisme, Pascal Navarro? En fait, beaucoup disent qu'elle a mis des mots sur quelque chose d'un peu abstrait qui suit un peu le deuxième sexe de Simone de Beauvoir et même Betty Friedan et qui en fait donne de la théorie, si vous voulez, une assise théorique à un mouvement qui est un peu imperceptible mais qui gronde un peu partout. Et ça a été d'incarner, si vous voulez, ce changement qui s'en vient. Et on pourra en parler plus tard, mais c'est certain que ce qu'elle a représenté était énorme. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle a eu le retentissement qu'elle a connu. Mais son rejet est aussi très emblématique de ce qu'elle a incarné. Oui, parce qu'elle sera, puis effectivement, on y vient dans un instant, mais jugée très sévèrement, entre autres pour son homosexualité qu'elle va révéler avec ce livre qui va la rendre célèbre. Mais pour vous, avant d'aller là, un petit mot quand même sur un plan plus personnel. Vous êtes féministe, vous êtes engagée dans le combat féministe. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui pour vous, Kate Millett? Quelqu'un qui n'a pas fait de concessions, quelqu'un qui est allé au bout de ses questions, de ses réflexions avec tout l'inconnu que ça représentait. Et moi, je dis toujours que je négocie mon féminisme parce qu'il faut présenter un féminisme acceptable. Si vous voulez pouvoir en parler dans les tribunes, il faut que vous soyez capable d'être comprise, il faut que vous ayez tout un appareil de cordialité. Vous voulez avoir un féminisme joyeux, ouvert, etc. Mais il y a des choses qu'il faut dire. Et si on essaye de les dire, parce qu'on est toujours avec ça aujourd'hui, même à notre époque, si on essaye de les dire comme elles sont, c'est très repoussant. Elle n'a pas eu ce souci. Elle a eu le souci plutôt de dire vrai. Et je trouve que ça demande énormément de courage. Et après être passée à travers tous ces livres, je peux vous dire que j'ai encore plus d'admiration. Ouais. Un petit mot sur l'extrait qu'on entendait il y a un instant. Elle parle de l'américanité, de la femme américaine. Oui. Cette américanité-là, quelle importance ça a dans la féministe qu'elle est, dans la femme qu'elle est, dans son point de vue féministe? Mais en fait, elle parle de l'éducation qu'on donne aux femmes, puis c'est super intéressant parce qu'au fond, elle est très éduquée. Oui. C'est une femme qui sort de la classe moyenne avec une instruction très poussée, une très grande curiosité intellectuelle aussi, une grande ouverture sur le monde. Et c'est intéressant parce que dans cet extrait-là, elle parle déjà d'emprisonnement. Et c'est vraiment quelque chose qui la suit dans toute sa carrière, enfin dans tous ses livres, dans toute sa démarche. Effectivement, que l'Amérique, c'était le rêve américain. Mm-hmm. Et elle se rend compte que c'est le rêve, mais pour les hommes, pas pour les femmes. Et même l'Amérique. Exactement. Ouais. Et comment voulez-vous qu'elle ne le dise pas, puisqu'elle en est si consciente? Et en plus, il y a tout un... N'oubliez pas le contexte, c'est la contre-culture, c'est la liberté, c'est contre le Vietnam, c'est les valeurs pacifistes, les valeurs d'ouverture, ouais, de tolérance, et la liberté sexuelle, mm-hmm, et qui est incarnée et vantée par Norman Mailer et ses amis, dont elle parlera dans le livre... La politique du mal, qui est un peu bizarrement traduit, mais sexual politics. Oui. Oui. Un tout petit mot sur son parcours. Vous le dites, c'est une femme éduquée. Elle est diplômée d'Oxford, entre mm-hmm autres. Elle partait de loin. Elle naît au Minnesota mm-hmm en 1934. Parlez-moi un peu de ça, parce que c'est intéressant de voir d'où les gens viennent. Enfance difficile, parce qu'un père qui n'a oui pas de bon sens. Oui, c'est ça. En fait, il n'est pas content d'avoir des filles. Il aurait voulu avoir des garçons. Il a trois filles. Il vit avec une femme qui est elle-même instruite et éduquée, qui travaille et qui est militante déjà pour... la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Et il bat sa femme, il bat ses enfants. Donc, c'est sûr que... Oui, c'est ça. Donc, il est parti. C'est une famille d'origine irlandaise. Donc, elle ira en Irlande aussi plus tard. Et elle est très... Ça, c'est quelque chose qui vit beaucoup dans son œuvre, où elle en parle. Et ça va être sa tante qui va payer ses études et qui va l'envoyer à Oxford. Et déjà là, il y a un premier problème parce qu'elle est un peu étrange. C'est une femme qui ne correspond pas au modèle, Kate, mm-hmm, qui correspond pas aux catégories. Et elle est déjà amoureuse d'une femme et elle veut l'amener avec elle à Oxford. Elle est toute jeune. Et puis, on lui dit, mais il n'y en est pas question. Mm-hmm. Puis même sa tante qui est très ouverte, elle n'en revient pas. Là. Fait que, bon, il y a déjà une première panique familiale, ouais, et toute sa vie, elle va avoir à se débattre avec ça, jusqu'au livre qu'elle a écrit sur sa mère, qui s'appelle Mother Millet, où elle l'explique. En fait, dans tous ses livres, elle revient toujours, ouais, sur tout ça. Puis elle va voyager, donc, à Oxford. Exactement. Elle va aller au Japon. Elle va marier un Japonais qu'elle va ramener aux tout États-Unis. Tout à fait, oui. Puis elle s'installe, donc, définitivement aux États-Unis. Oui. On est quoi, au début des années 60, à peu près? Milieu, oui, des années 60. Comment Kate Millet en vient-elle à s'intéresser, la grande question, à s'intéresser au féminisme, à la situation des femmes? On écoute à nouveau un extrait du documentaire « Quelques féministes américaines ». Vous entendez donc dans cet extrait Kate Millet. La première femme écrivain française qui m'a beaucoup impressionnée, c'est bien sûr Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, que j'ai lu alors que j'étais étudiante à Oxford. Cela a confirmé tout ce que je pensais. Le livre m'a profondément marquée et pendant toutes ces années à Oxford, il faisait son chemin en moi. Puis je suis revenue, j'ai enseigné en Amérique, je suis devenue sculpteur et par la suite j'ai séjourné au Japon pendant 2 ans. J'en suis revenue avec plusieurs idées naïves, me disant que la situation des femmes au Japon était pénible, l'oppression étant si manifeste. Mais de retour en Amérique, ça a été terrible. Je ne me suis pas trouvée de travail pendant 80 jours. Malgré tous mes diplômes. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le livre de Betty Friedan, qui, comme celui de Simone de Beauvoir expliquait le monde, parlait des États-Unis, de la première vague féministe, ses lacunes, la contre-révolution et la mort de ce féminisme. Il fallait donc une autre forme de féminisme. Kate Millet parle dans cet extrait, Pascal Navarro, de Simone de Beauvoir, mm-hmm, de Betty Friedan. Comment elle se compare à ces deux autres grandes figures du féminisme? Alors, je pense que Simone de Beauvoir lui a donné, en tout cas, c'était un modèle. Ouais. Elle a pu développer une vision philosophique politique dans son livre en 1970 avec Sexual Politics parce que Simone de Beauvoir a écrit Le deuxième sexe. C'est comme si elle lui donnait la permission de remettre en question un système. Parce que c'est ce qu'elle fait dans Le deuxième sexe. Donc, ouais. Il y a vraiment, pour moi, là, une filiation. Carrément. Ah, carrément. Ouais. Avec Betty Friedan, c'est différent. C'est quelque chose d'un petit, peut-être un peu plus populaire, moins philosophique que Simone de Beauvoir, évidemment. Mais il y a quand même une filiation dans le sens où c'est quelqu'un qui, comme elle, remet en question cette injustice dont vous parliez au début, c'est-à-dire le fait d'avoir des rêves, mais de ne pas pouvoir les réaliser. Ouais. Et puis, c'est vraiment que Betty Friedan a dit, sauf qu'il y aura des frictions. Oui, des frictions, ouais. Effectivement. Ouais. Mais la raison pour laquelle elle a écrit, c'est vraiment parce que Simone de Beauvoir a ouvert cette porte. Et donc, le grand coup de tonnerre arrive pour elle en 1970, l'année où elle publie Sexual Politics, la politique du mal en français. Le New York Times va dire de ce livre-là, c'est la Bible de la libération féminine. On écoute la comédienne québécoise Dine Mousseau lire un extrait de la politique du mal à l'émission Ni plus ni moins en 1975. Aussi discrète que puisse être actuellement son apparence, la domination sexuelle est sans doute l'idéologie la plus répandue de notre culture et lui fournit son concept de puissance le plus fondamental. S'il en est ainsi, c'est parce que notre société, comme toutes les autres civilisations historiques, est patriarcale. Cette constatation s'impose à l'évidence dès l'instant où l'on réfléchit que l'armée, l'industrie, la technologie, les universités, la science, l'administration politique et la finance, bref, toutes les avenues conduisant au pouvoir dans notre société, y compris la force coercitive de la police, sont entre les mains des mâles. L'essence de la politique étant le pouvoir, voilà un fait qui ne peut manquer de frapper. Tout ce qui subsiste de l'autorité surnaturelle, de la divinité, son ministère, ainsi que l'éthique et les valeurs, la philosophie et les arts de notre culture, sa civilisation même, est de fabrication masculine, comme l'a observé T.S. Eliot. Il reste plus beaucoup de place pour les femmes, Pascal Navarro, avec ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qu'elle dit essentiellement, Kate Millett, dans La politique du mal? Alors ça, c'est un livre complètement, moi, avec lequel j'ai un rapport amour-haine. Mais parce qu'elle elle explique ce que c'est que le système dans lequel on vit. Alors, elle met très bien la table en parlant des systèmes de la religion, de l'éducation, de la politique qui sont effectivement formés et habités et construits, entretenus par des hommes. Donc tout ça est très vrai et moi je crois que c'est la chose la plus forte de ce livre-là. Mm-hmm. C'est-à-dire de quand on essaye d'expliquer le système patriarcal à quelqu'un, c'est ce qu'on lui dit. Il ne faut pas de lire Kate Millett, là, mais que ce système-là est construit de façon très cohérente et que toute chaque partie renforce l'autre. Mm-hmm. Donc là-dedans, les femmes n'ont aucune place pour rêver, créer, se projeter dans une création qui serait autre chose que ce qu'elles connaissent. Et c'est extrêmement frustrant quand vous êtes comme elles ou comme d'autres femmes ambitieuses, ouais, ou que vous êtes créative et que vous avez envie, vous aussi, d'inventer et de prôner certaines valeurs. Un monde où tout est décidé. Exactement. On mais peut pas en déroger. Justement, alors, valeurs qui sont, entre guillemets, très masculines et qu'elle pourfend à travers sa critique des œuvres littéraires de Norman Mailer, Henry Miller, Lawrence, tous ces gens-là qui sont très à la mode dans les années 70. Et quand elle fait la couverture du Times, parce que c'est ce qui va arriver, elle va faire la couverture du Times comme étant la nouvelle égérie du féminisme, c'est non seulement parce qu'elle a mis le doigt sur quelque chose de très important, en fait, elle a cristallisé, si vous voulez, elle n'était pas la seule à le dire, mais c'est parce qu'elle était aussi dans des mouvements de gauche dans lesquels elle militait. Ouais. Et à chaque fois qu'elle essayait de parler de ça, on la rejetait comme si ce n'était pas du tout important et que ce n'était pas ça la priorité. Mais pour elle, ça l'était. Donc, elle a vraiment poussé un cri. Ouais. Et donc, elle a été cette égérie. Mais c'est aussi parce qu'elle a osé s'attaquer à des monstres sacrés. Ouais. Mais c'est important de le faire parce qu'elle montre qu'il y a un système politique qui est patriarcal et qu'il y a tout ce bagage culturel, littéraire. C'est ça aussi qu'elle a expliqué là-dedans. Je vous disais qu'elle expliquait le système patriarcal, politique et tout ça, mais elle explique aussi à quel point la culture entretient ces mythes, et notamment à travers l'œuvre de Norman Mailer, qui lui a répondu d'ailleurs. C'est pour vous dire à quel point il a été touché. Il a écrit un livre qui s'appelle « Prisonnier du sexe », parce que, vous voyez, encore le mot « prisonnier » revient, c'est intéressant. Et elle a vraiment, tu sais, elle s'est pareil avec Freud, elle démolit ses théories, puis elle dit que dans le fond, tout ce qu'ils font, c'est l'éloge de la virilité, mais sur-virile, si vous voulez, comme et la guerre, en fait, toutes ces valeurs-là. Comment s'est reçu ce livre-là à sa sortie en 1970, « Sexual Politics, la politique du mal » Ben, c'est très bien reçu parce que c'est sûr qu'elle choque du monde, mais vous savez ce que c'est. Elle choque parce qu'elle dit vrai aussi. Ouais. Et je crois que c'est ce qui a vraiment plu. Enfin, beaucoup de gens, beaucoup de femmes ont salué son courage. Beaucoup de femmes se sont reconnues aussi là-dedans. Mais même des hommes, il y a eu des critiques extrêmement surprises de son culot. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un gars comme Norman Mailer ou même Freud, c'était des institutions. Donc, qui était-elle? En plus, elle n'était pas très connue. C'était une femme de gauche, homosexuelle. Enfin, on pourra en reparler. Mais il y avait vraiment un genre de choc. Et surtout, elle a cristallisé aussi dans ce livre tout ce qui tourne autour de ce slogan de l'époque, et ça vient de là, le privé est politique. Mm-hmm. Et je pourrais vous dire que, selon moi, cette phrase-là était aussi forte qu'aujourd'hui, moi aussi. Oui. Il y a vraiment un point de bascule à ce moment-là, comme aujourd'hui. La publication de ce livre-là, La politique du mal, la propulse à l'avant-scène. Elle devient tout à coup une célébrité, une figure emblématique du féminisme, du nouveau féminisme. Ouais. Et elle va vivre ça très mal. Comment ça se passe pour elle? Alors, elle en parle beaucoup dans ses livres. Ça revient en filigrane dans chacun de ses livres. Elle a trouvé extrêmement difficile d'avoir été la porte-parole du féminisme. Elle s'est rendue compte que là, on lui demandait de parler au nom de toutes les femmes. Et c'était impossible. Mm-hmm. Alors, d'un côté, Betty Friedan l'a un peu repoussée, puisqu'elle était ouvertement bisexuelle et que Betty Friedan voulait un féminisme, comme je disais tantôt, acceptable. Ouais. Elle ne voulait pas se lier à ces mouvements gays. Mais les lesbiennes, radicales et militantes, exigeaient d'elle qu'elle ait le courage de s'avouer homosexuelle. Et elle s'est dit, elle le dit dans Cita, elle en parle beaucoup dans ce roman autobiographique, elle dit me sentir obligée d'avoir à parler de moi à ce point. Elle n'avait pas mesuré. Elle n'avait pas mesuré à quel point ça allait la déchirer parce qu'elle n'avait pas envie d'exposer sa vie privée, mais qu'il fallait qu'elle le fasse pour être cohérente. Ça lui a coûté très cher en termes personnels, en termes d'équilibre personnel. Théoricienne, vous l'avez dit d'emblée au début de cette émission, elle a une contribution importante sur l'aspect théorique, la théorie du féminisme, mais militante aussi. Ça nous amène à un voyage assez extraordinaire. En 1979, Kate Millett se rend en Iran, en pleine révolution islamique. Oui. Ça nous en dit beaucoup sur Kate Millett. Quant à la militante féministe américaine Kate Millett, expulsée ce matin à Téhéran par les autorités iraniennes, elle est arrivée en début d'après-midi à Paris. Kate Millett s'était rendue au début du mois en Iran et avait pris part à des manifestations de femmes dans les rues de Téhéran. J'ai eu la peur de ma vie. Nous étions à l'hôtel et on nous a demandé de descendre. Tout ça plusieurs jours après que nous ayons demandé au ministère de clarifier notre statut et à leur demander quand ils souhaitaient que nous partions. J'ai toujours été prête à m'en aller. Je suis une pacifiste. Que puis-je faire s'ils veulent que je m'en aille? Et je savais déjà qu'ils m'avaient espionnée pendant mon séjour. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la réalité des femmes iraniennes. Elles vivent dans la peur d'être arrêtées. Et quand on les arrête, elles ne sont pas expulsées du pays. Elles ne pourront même probablement jamais partir. Extrait du téléjournal du 19 mars 1979, c'est inouï. Ça en dit beaucoup sur elle. Elle se rend dans cet Iran qui vient de prendre ce virage, la révolution islamique. Pourquoi se rend-elle là-bas à ce moment-là? Parce qu'elle est invitée par des femmes iraniennes. Ah bon? En fait, elle milite dans un comité contre les prisonniers politiques, parce qu'elle a très longtemps milité contre la torture, contre l'emprisonnement, tout ça. Donc, on l'invite. On lui dit, ça va être la première fois que l'Iran va fêter le 8 mars. Donc, on l'invite pour le 8 mars 1979 à se joindre à des femmes iraniennes. Et elle hésite un peu, évidemment, mais finalement, elle décide d'y aller. Elle trouve qu'il faut, il faut les encourager, il faut les appuyer. Elle y va avec sa compagne, qui est Sophie Kerr, qui est une photographe, photojournaliste, qui connaît très bien le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Donc, c'est pour ça qu'elle se sent un peu en sécurité. Ouais. Elle a beaucoup d'amis du Moyen-Orient, des amis iraniens, donc, puisqu'elle travaille avec ce comité qui travaille aussi sur l'Iran. À New York. Donc, elle se sent assez sécure en sachant quand même qu'elle va arriver dans un pays en plein bouleversement. Et ce qui est formidable, le livre qu'elle a écrit, qui s'appelle « Going in Iran » en Iran, c'est traduit en français, et très bien traduit d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas de tous les autres livres. Sa compagne a enregistré toutes les conférences de presse, toutes les présentations, tous les discours et les échanges qu'il y a eu, pas seulement avec Kate Mellett, mais toutes les questions des journalistes, les femmes iraniennes. Et vous retrouvez dans ce livre le verbatim, ou quasiment, de ces réunions. Alors, on en apprend sur l'état des troupes, si vous voulez, en Iran. Et c'est très intéressant pour éclairer aujourd'hui, notamment sur la question du voile. Parce que beaucoup de femmes lui disent, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne nous dise pas de l'enlever ou de le remettre. Parce que beaucoup racontent à quel point le voile a été instrumentalisé en Iran. Donc, elle n'arrête pas de dire, en fait, c'est elle, c'est ces femmes qu'il faut écouter. Ne me posez pas de questions à moi, mais posez des questions à elle. Donc, en fait, elle sert de liant, si vous voulez, entre la presse étrangère et les femmes iraniennes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le temps passe rapidement. On va déjà parler de son héritage, mais un mot pour dire qu'effectivement, vous l'avez souligné, elle va être militante dans différents combats, entre autres La torture, l'emprisonnement, The Basement, qui est un livre qu'elle va publier, qui est important, The Politics of Cruelty, qui sera publié, celui-là, en 94. Un rapport trouble avec la psychiatrie, mais il faudrait faire une autre émission, Pascal Navarro. Oui. Mais ça va la suivre, ça, toute sa vie aussi. Mais l'héritage, déjà, où la situer? Kate Mellett, avec nos yeux d'aujourd'hui, par rapport, par exemple, à ce renouveau féminisme que l'on vit aujourd'hui? En fait, il faut voir qu'on a toujours... ne jamais oublier la radicalité, le fait qu'il faut aller à la racine pour changer des choses. Et cette femme-là a travaillé sur ce sujet-là. Elle a tout à fait incarné toutes les déroutes qu'on pouvait... Parce qu'elle n'a pas été parfaite dans tout, puis elle le dit et elle le sait. Mais c'est aussi tout ce que nous, on doit... se rappeler qu'il ne faut pas être, moi c'est ce que je retiens, ne pas demander à des féministes comme elle ou d'autres aujourd'hui d'être parfaites et de les appuyer, même quand elles font des erreurs, de ne pas toujours exiger la pureté, l'idéologie suprême. Il faut faire des avancées, des reculs, il faut prendre des détours. Elle en a pris beaucoup, mais elle a payé très cher. Ouais. Quand je vous dis qu'elle a payé cher, c'est qu'elle a vécu énormément de solitude, de rejet. Mais c'était quelqu'un de difficile aussi, elle le dit, mais qui s'est toujours servi de toutes ses expériences pour alimenter son écriture. Et c'est ça qui est intéressant quand on la lit. Quand je vous parlais du thème de l'emprisonnement, c'est que quand elle a été internée aussi parce qu'elle avait des problèmes de dépression très graves, il a fallu qu'elle travaille sur cette situation comme écrivaine. Donc, elle a compris que ce qui la repoussait, ce qui la peinait lorsqu'elle était plus jeune et qu'elle se sentait justement enfermée, emprisonnée dans des rôles qu'elle ne voulait plus, ça l'a suivie toute sa vie dans d'autres situations. Donc, c'est vraiment une œuvre qui gagne à être relue. Pascal Navarro, on s'arrête là-dessus. C'était fascinant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.